Chapitre 6. Peut-être que je me suis arrêté trop longuement à ces petites choses et qu'elles n'intéresseront personne, mais il me semble qu'en les racontant, je me les explique mieux à moi-même. C'est ainsi que je m'aperçois maintenant que je n'ai jamais compris Mélanie. Quand je pense à elle aujourd'hui encore, pour tout ce qui est du dehors, le détail de ses traits, ses gestes et jusqu'à la façon dont elle était habillée, c'est comme si elle était toujours vivante devant moi. Sitôt que je passe à ce qui était du dedans, tout devient confus, tout s'embrouille. Tantôt, elle parlait beaucoup, tantôt, elle ne disait rien. Un grand moment, elle boudait, tout à coup, elle éclatait de rire. Il n'y avait pas plus de raison à sa bouderie qu'à ses rires, ni qu'à son silence d'ailleurs, et à ses besoins de parler. Pour moi, qui étais plus unie de caractère, ces changements d'humeur m'impressionnaient beaucoup. Ils m'attristaient aussi, occupaient que j'étais à me demander tout le temps si je n'avais rien à me reprocher. J'avais beau ne rien trouver, mon assurance était perdue. C'était une fille à la fois précise et capricieuse, attentive aux choses et pleine de distractions. Une fille qui voyait tout, mais qui avait l'air de ne rien voir. Elle ne se donnait que pour se reprendre, elle ne faisait un pas en avant que pour reculer de deux pas, et elle me paraissait s'intéresser à moi, mais je vois maintenant qu'elle ne pensait qu'à elle. Sans doute qu'elle avait d'abord été tentée par les avantages que ma situation pouvait plus tard lui offrir, et la confiance que j'avais en moi-même lui en avait d'abord imposée. Il n'en était pas moins dans l'ordre des choses qu'elle me quitta, dès qu'elle aurait trouvé mieux. Peut-on d'ailleurs parler de caractère avec les filles? Elles sont eau, fumée, nuage. Il faut du vent à la fumée, il faut un vase pour l'eau. Or, j'étais maladroit encore à la vie et sans expérience en rien. Quelquefois, pourtant, je me dis qu'un peu de gaieté aurait suffi. Et au fond de moi-même, j'étais gai, parce que j'étais plein de santé et de vie. Mais les circonstances avaient fait que, de bonne heure, j'avais dû me raidir. Elle m'avait dit que j'avais l'air sérieux. C'était ce sérieux qu'on voyait tout d'abord. Le reste, il aurait fallu qu'elle s'y prêtât pour qu'il se montrât au jour. J'attendais que le premier mouvement vînt d'elle quand il aurait dû venir de moi. Là a été ma grande faute. J'aurais dû savoir oser. Je ne savais pas oser. Peut-être n'attendait-elle pas autre chose, et peut-être est-ce pour l'avoir vainement attendue qu'elle a fini par perdre courage. Je la revois certaines fois, une entre autres, où nous nous tenions assis tout près l'un de l'autre au creux d'une haie. Tout à coup, elle avait laissé aller sa tête qui avait touché mon épaule. Moi, je n'avais pas bougé. Je vois maintenant ce que j'aurais dû faire. C'est une invite, ces choses-là. J'aurais dû prendre cette tête et poser mes lèvres dessus et éteindre avec elle ce feu de joue qu'on sent et aller avec elle chercher ses autres lèvres. J'aurais dû mordre dedans. J'aurais dû prendre dans mes mains ce cher léger fardeau qu'il faut vite qu'on serre, sans quoi il va nous échapper. Je ne l'ai point fait. C'est de quoi j'ai été puni. Mais c'est aussi qu'une crainte m'était venue depuis le soir du lac et du père Pinget. Tout à coup, des fenêtres s'étaient ouvertes pour moi sur le monde. J'avais tout à coup distingué qu'un acte n'est pas une fin en soi-même et n'est pas circonscrit au moment même où nous l'accomplissons, mais qu'il se prolonge et se répercute comme l'écho dans les rochers. Et où cela pouvait aboutir, je l'avais vu également. Je revoyais la couverture et ceux qui étaient étendus dessus, tandis que la lune montait dans le ciel. Je me disais, eux aussi ont commencé par être comme nous sommes. Eux aussi ont commencé par des mouvements de mains et des petits baisers. Eux aussi par des paroles chuchotées. Eux aussi par des rendez-vous. Alors, je n'osais plus. Maintenant, j'ai une idée différente des choses. Je crois qu'il faut toujours oser. Mais, encore une fois, en ce temps-là, j'étais trop jeune. Et puis, l'amour faisait que j'étais tout respect et tendresse pour elle, parce qu'elle représentait ensemble pour moi tout le présent, tout le passé, tout l'avenir. Je me revois toujours rentrant à Roche après ma conversation avec M. Loup et le rendez-vous manqué. La route était blanche dans l'ombre. Des petits oiseaux tout échauffés par le printemps faisaient un grand bruit dans les haies. Et il y avait en moi comme deux hommes, l'un qui était heureux, l'autre qui avait envie de pleurer. Mais l'homme heureux finit par avoir le dessus. Il disait à l'autre, « Elle aura été empêchée, ne va pas chercher plus loin. » Je n'eus plus qu'une idée qui était de rentrer le plus vite possible et de lui raconter dans une lettre ce que M. Loup m'avait dit. Le mardi déjà, j'allais voir s'il n'y avait pas de réponse à ma lettre. Elle était toujours dans le trou du mur. Ce ne fut que le vendredi soir que je trouvai un billet où Mélanie me disait qu'elle m'attendrait le lendemain à 11 heures sur la place de l'église. Elle devait venir à Roche pour le marché. Je fus empêché d'aller la rejoindre et j'eus beau de nouveau lui écrire, je ne sus plus rien d'elle de toute une semaine et jusqu'à ce nouveau dimanche qui était un dimanche ordinaire de rendez-vous. C'est ainsi que les dimanches se partageaient pour moi en deux espèces de dimanches, ceux où je la voyais, ceux où je ne la voyais pas. Je m'aperçus qu'elle était fâchée à une certaine façon qu'elle eut de m'aborder. Elle ne me tendit que le bout des doigts et tout de suite, « Tu sais, je suis pressée. » Je lui demandai pourquoi. « Tu oses me demander pourquoi? Est-ce que je suis peut-être à ton service? Est-ce que c'est toujours à moi de me déranger quand tu ne peux seulement pas faire deux pas pour venir me voir? Je t'ai attendu toute une demi-heure devant l'église et les gens se moquaient de moi en disant, « Qui attends-tu comme ça, Mélanie ?» Vois-tu, Samuel, dans ces choses-là, il faut qu'il y ait égalité, sans quoi tout va de travers. Là-dessus, elle se tut. Elle avait cassé une branche dans la haie, elle en arrachait les petites feuilles et les roulait entre ses doigts. Je cherchais à lui expliquer qu'il m'avait été impossible de quitter le bureau, qu'elle m'avait écrit trop tard, que M. Gonin était sorti, que plusieurs clients m'attendaient. Tout fut inutile. Elle continuait de regarder par terre, allant à petits pas. Et à présent, la branche de saule était entièrement dépouillée de ses feuilles, mais elle la faisait claquer tout en marchant contre sa jupe, l'air de me dire « Tout ça, ce n'est pas des raisons. » Quelle raison alors trouver, et n'était-elle pas injuste? Mais la crainte de lui déplaire m'avait fait mettre de côté toute espèce d'amour-propre. Je ne pensais plus qu'à obtenir son pardon. Donc me voilà la suppliant, me voilà cherchant à lui prendre la main, et elle qui la retirait, et moi qui m'obstinais quand même. Me voilà avec des mots doux, des regards mouillés, une voix tremblante, elle qui se taisait toujours, et pendant ce temps, le bois autour de nous était plein d'anémones blanches, partout les oiseaux chantaient. Enfin, elle me dit, « Il faudra voir. » Je ne comprenais pas bien, je lui demandais, « Mélanie, qu'est-ce qu'il faudra voir ?» Elle me dit, « Il faudra voir comment tu te conduiras à l'avenir. Pour le moment, il faut attendre. » Et brusquement, elle reprit, « À la prochaine fois. » Je voulus la retenir, elle était déjà loin. Je l'appelai par son nom, l'écho seul me répondit. Je m'assis tristement dans les feuilles mortes, et alors je m'aperçus qu'elle ne m'avait même pas parlé du grand événement que je lui avais annoncé dans ma lettre. Ce qui était pour moi une chose essentielle semblait n'avoir aucune importance à ses yeux. Il y avait une troupe de garçons qui passaient en chantant sur la route. Je me disais, « Pourquoi est-ce qu'elle me tourmente ainsi ?» En me tourmentant ainsi, elle se tourmente elle-même. Je gardais, comme on voit, toutes mes illusions. Mais il faut que j'abrège, car la situation se prolongea tout le printemps. Je ne vous dirai pas combien de rendez-vous manqués il y eut encore, combien de lettres j'écrivis auxquelles elle ne répondit pas, et combien de fois je sortis de nuit pour aller les porter dans le trou du mur. Ce fut au point que j'avais été obligé de demander une clé à Mademoiselle Grandjean, et qu'elle finit par être intriguée de toutes mes sorties. Je dus mentir, ce n'était que le commencement de mes mensonges. Car, comme M. Loup s'étonnait de me voir me relâcher dans mon travail, je lui mentis à lui aussi, en lui disant que j'étais malade. Et je mentis à M. Gonin, qui, comme M. Loup, avait à se plaindre de moi. Les choses allaient de mal en pis. Au commencement de juin, il y avait plus de 4 semaines que je n'avais pas vu Mélanie. Je ne me rappelle pas un plus beau dimanche que ce dimanche-là. M. Loup était assis dans son jardin. Les abeilles étaient au moment de leur plus grand travail. Les ruches faisaient un bruit de machine à battre. Il me demanda pourquoi j'étais si pâle. Il avait bien fini par s'en apercevoir. Je lui répondis que j'avais mal à la tête. « C'est que tu travailles à l'ombre maintenant. Tu as un teint d'homme de bureau. » Je n'eus pas la force de sourire, malgré l'air de bonté qu'il continuait à avoir. Il parut inquiet. « Mon garçon, tu es fatigué. Je te donne vacances pour aujourd'hui. Reste un moment avec moi, si tu veux. Ensuite, tu iras voir la fête. Tu as besoin de distraction. » J'ai oublié de vous dire qu'il y avait ce jour-là fête de jeunesse au village. Je lui répondis, « Oh merci, ce n'est pas la peine. » Mais comme il insistait, je finis par céder. Je venais de réfléchir qu'il était bien possible que je trouvasse Mélanie sur la place avant l'heure du rendez-vous et que ce serait autant de gagné. Donc, un moment encore, nous nous promenons dans le jardin, lui échenillant ses poiriers et coupant du tranchant de l'ongle les feuilles que la vermine avait fait s'enrouler, puis les ouvrant devant moi et me montrant dans l'espèce d'enveloppe cotonneuse dont ils sont entourés les œufs prêts à éclore. Moi marchant à côté de lui et faisant semblant d'écouter ce qu'il me disait. De temps en temps, la musique d'un carrousel arrivait jusqu'à nous, apportée par un coup de vent. Ou bien c'était une musique d'orgue de barbarie, dans laquelle il y avait des trous, parce que quelquefois la mécanique tournait à vide. La mère dépose ses œufs sur la feuille. Il y a un venin en elle qui fait que la feuille est attaquée comme par un acide, et elle se recroqueville. À ce moment, 3 heures sonnèrent, 3 coups comme une grosse toux, et à la musique du carrousel se mêla tout à coup celle d'une fanfare. C'était le bal qui commençait. Le mâle est beaucoup plus gros que la femelle, seulement il est plus lourd et moins adroit. Il y a au moins 12 de femelles pour un mâle. C'est des choses qu'il te faut savoir, mon garçon, car s'il est bon que plus tard tu sois capable d'enseigner à tes élèves la géographie de la Chine ou l'histoire des États-Unis, il vaudra encore mieux que tu puisses leur expliquer ce qui se passe sous leurs yeux. On est paysan ou on ne l'est pas. Un paysan, ce qui l'intéresse, c'est ses champs, avant tout, et la meilleure façon d'en tirer parti. Alors vois-tu, toutes ces bêtes, c'est autant d'ennemis qu'on a. Pour les bien combattre, il faut les connaître, mais je n'y tenais plus. Je lui laissai à peine le temps d'achever sa phrase. Je crois que je vais m'en aller. Il fut bon jusqu'au bout, il s'était remis à sourire. Va et amuse-toi bien, il y a temps pour tout. Il me tendit la main et me voilà courant du côté du village. Le rond de danse était dressé juste en face des 22 cantons. C'était un pont de danse en belle planche neuve. Il était tout garni de branches de sapin clouées avec des roses de papier. On y montait par 3 marches. Au-dessus de l'entrée, il y avait une espèce de petit arc de triomphe, avec une guirlande et une inscription en belles lettres bleues sur une feuille de carton « Salut aux amis de partout qui viennent danser avec nous ». Quand j'arrivais, la musique était en train de jouer une polka. Il y avait déjà beaucoup de monde qui tournait à cause qu'il faisait beau temps et on était venu à Vernamin de tous les villages des environs. Les filles avaient des robes blanches, les garçons étaient tout en noir. Cela faisait du noir et du blanc qui tournait et se balançait un peu au-dessus de la place, rapport à la hauteur du pont. Moi, je regardais ces couples passer l'un après l'autre devant moi, et à chacun de ceux qui venaient du milieu du pont vers le bord, anxieusement, je plantais mes yeux dessus. Puis tout de suite, je sautais à un autre. Au bout d'un moment, la musique cessa, et deux par deux, les danseurs, passant sous l'arc de triomphe, descendirent les 3 marches et se répandirent sur la place. J'eus encore tout le temps de les bien dévisager. Décidément, elle n'était pas là. Tout à coup, j'avais retrouvé mon souffle et une grosse bonne humeur m'était venue qui fit qu'au lieu de me tenir, comme j'avais fait jusqu'alors à l'écart, j'allais me mêler aux garçons qui entouraient le tir de pipe. Et même, je tirais sur une espèce de mécanique qui représentait une porte, laquelle s'ouvrait quand on touchait le bouton. Alors, on voyait apparaître une chambre où une femme se mettait à fesser son enfant, et un des hommes du tir, caché derrière la toile, faisait le bruit de l'enfant qui pleurait. J'avais vite été reconnu. Les garçons du village s'approchaient de moi avec curiosité, à cause qu'on savait que je travaillais à la ville, me disant « Tiens, te voilà, qu'est-ce que tu deviens, depuis le temps qu'on ne t'a vu ?» Et d'autres « Salut, ça va bien ?» et il me tendait la main. Puis, naturellement, est-ce qu'on va boire un verre? J'étais de bonne humeur, comme j'ai dit, c'est pourquoi je me laisse entraîner. La salle à boire des 22 cantons était déjà plus que pleine. Il y avait des gens qui attendaient jusque dans le corridor. Nous entrons quand même. Un nommé Larpin commande 1 litre, et Rouge, debout sur un tabouret, avait commencé un discours parce qu'il était saoul. Et quand il était saoul, il lui fallait absolument parler en public. Sans quoi, disait-il, il ne dormait pas. Je me souviens des rires qu'il y avait et de la grosse bonne humeur qui remplissait la salle à bois, rapport à ce Rouge et aussi à Guillaume l'idiot, que je ne sais qui avait amené, et le grand amusement était de lui faire croquer des mouches. On les lui attrapait sur les murs, on les lui tendait en les tenant par les ailes, il les prenait et il les avalait. Il en a mangé ce jour-là à sa faim, on peut le dire, et pendant ce temps, Rouge continuait son discours. Et pendant ce temps, dans un coin, deux ou trois vieux parlaient politique. Il y en avait un qui disait « Je m'en fous, moi, de ces Bernois et de leur chambre fédérale. On n'est pas tellement oublieux qu'on ne se rappelle pas tout ce qu'ils nous ont fait souffrir dans le temps et tous les embêtements qu'on a eus grâce à eux. Alors à présent, il faudrait aller leur faire des courbettes. Jamais de la vie !» Tout près de là, un certain bailli buvait avec une fille qu'on appelait la Grosse Marie. Il lui avait passé le bras autour de la taille et entre chaque gorgée de vin, la tirant à lui, il l'embrassait dans le cou. La Grosse Marie était toute rouge. Nous, de notre côté, nous avions vidé notre litre. Et malgré le bruit et les distractions, je ne cessais pas de me dire qu'il fallait qu'avant 5 heures, je fusse dans le petit bois. C'est ainsi que, quand ce fut 4 heures et demie, je me levais sans avoir l'air de rien, sans même avoir fini mon verre. Sitôt hors du village, le calme régnait de nouveau partout. Il y avait de nouveau le bourdonnement des mouches et des taons autour des crottins sur la route. Un grand soleil donnait sur les pommiers bas et dodus. Par-ci, par-là, la pointe d'un haut cerisier dépassant les autres feuillages se découpait en noir dans le ciel. Si loin qu'on pouvait voir, personne. D'ailleurs, j'avais déjà quitté la route, et prenant un travers-champ, je fus vite arrivé au bois. Je continuais à me sentir tout léger de cœur, me disant que sans doute, si elle n'était pas allée danser, c'était à cause de notre rendez-vous. Pourtant, elle n'était pas à la place où nous nous retrouvions depuis qu'il faisait beau et que les journées s'étaient allongées. Mais je devais être en avance. Je m'assieds donc sous un grand chêne pour l'attendre. Il y avait autour de moi des milliers et des milliers de fourmis qui allaient et venaient. Le silence était tellement grand qu'il semblait qu'on entendît le petit bruit de craquement et de grignotement que faisaient leurs pattes sur les feuilles mortes. Elles portaient des débris de toute espèce entre leurs dents. Un bel oiseau de couleur brune qui s'était posé au bout d'une branche la faisait plier comme un fruit trop lourd. Et je continuais de préparer des phrases, arrangeant mes mots dans un certain ordre et choisissant les plus jolies afin d'avoir tout de suite quelque chose à lui dire quand elle arriverait. Elle n'arrivait pas, et on ne mesure pas le temps dans ces moments-là. Mais c'était comme si je l'attendais depuis des heures. J'attendais, je réfléchissais. Plus le temps passait, plus il se levait en moi quelque chose qui était comme ce sable qu'on voit monter du fond du lac quand on tire son filet. De plus en plus, il faisait trouble en moi. Elle ne venait toujours pas. 6 heures allaient bientôt sonner, Mademoiselle Grandjean devait m'attendre. Je ne m'inquiétais pas d'elle, je ne pensais qu'à Mélanie. « Chère Mélanie, me disais-je. » Et puis je me disais « Non, c'est une vilaine fille. » La musique de la fanfare continuait à se faire entendre. C'était comme si j'avais eu dans ma tête un rond de danse où mes pensées tournaient. Il y en avait surtout des noires et des grises, mais il en restait une ou deux de blanches. Et tantôt je détestais Mélanie, tantôt je la méprisais, tantôt il me venait une telle tendresse pour elle que mes bras s'ouvraient malgré moi. Je me disais, il n'est pas possible qu'elle ne vienne pas. Pourtant, de plus en plus, le soleil baissait, et maintenant il était caché derrière un nuage. Il y eut alors, avant la vraie nuit, une espèce de demi-nuit qui tomba sur la campagne. Une grande ombre descendit, elle recouvrit le village. De plus en plus, elle gagnait de mon côté. Tout à coup, elle fut sur moi. Alors en moi, il fit noir aussi, et sur mon pont de danse à moi. Je m'étais levé, je n'hésitais plus. Je me dis, il faut absolument que je lui parle. Si elle n'est pas sur la place de fête, j'irai chez elle. Je me disais cela, et je songeais bien à sa mère, mais sa mère elle-même ne me faisait plus peur. Me voilà donc retournant au village. On ne dansait plus. Les musiciens étaient allés manger. Des hommes sortirent de l'auberge avec des lanternes allumées. Ils les suspendaient tout autour du rond de danse, à des poteaux. Au bout d'un petit moment, les musiciens eux-mêmes reparurent. Ils étaient au nombre de 5, dont le vieux Meilleran, qui les dirigeait, et qui jouait, lui, de la clarinette. Ils montent, les 5, sur l'estrade, et en moins de rien, la place se trouve de nouveau couverte de monde. C'était à ne pas comprendre d'où tous ces gens pouvaient bien sortir. Des gros nuages noirs passaient dans le ciel. Poussés en divers sens, ils s'emboîtaient l'un dans l'autre, comme les pierres d'un mur. Bientôt, ils se furent tous rejoints, les derniers morceaux du ciel bleu disparurent. Mais le vieux Maïra avait gonflé ses joues, et ce fut le signal. Pendant une mesure ou deux, sa clarinette joua seule, indiquant la cadence, puis toute la fanfare suivit. Déjà les couples envahissaient le rond de danse. Ils étaient plus nombreux encore que l'après-midi, et on se demandait comment ils allaient tenir tous entre les barrières, d'autant plus qu'à chaque instant, il en survenait de nouveau. Quant à moi, je m'étais placé à quelque distance de là, sous un gros tilleul, voyant ainsi sans être vu. De temps en temps, quelqu'un me frôlait, et ce quelqu'un se retournait, tâchant de me reconnaître, mais il n'y réussissait pas, parce que j'étais dans l'ombre. Du reste, il commençait à ne plus faire jour du tout, et dans cette nuit de plus en plus noire, les lumières des lanternes s'ouvraient comme des yeux. Il n'y eut bientôt plus qu'elles, et les reflets qui en tombaient. Ils faisaient comme des flaques tout autour du rond de danse, pendant que le milieu restait mal éclairé. Et moi, reprenant mon manège, je tenais mes yeux arrêtés sur la plus proche de ces lanternes, rien de ce qui se passait dessous ne pouvant ainsi m'échapper. Il passait des têtes, encore des têtes et toujours des têtes. Une seule m'intéressait, je me disais, si celle-là passe, je le verrai bien. Si elle ne passe pas, je sais ce qu'il me reste à faire. Elle passa, la tête. C'était à la troisième danse. Il y avait toujours un terrible tapage sur la place. Des hommes sous se disputaient tout près de moi. Le carrousel tournait. On pétaillait au tir de pipe. On chantait en chœur dans l'auberge. Tout rentra pour moi dans le silence quand elle parut. Elle avait mis une robe que je ne lui avais jamais vue. Une robe de mousseline blanche à volant, serrée à la taille par un ruban bleu et qui lui laissait le cou nu. Je ne la reconnus pas tout d'abord, tellement elle était belle dans sa robe, et elle s'était frisé les cheveux. Elle avait lavé ses cheveux qui avaient gonflé en séchant, de sorte qu'ils semblaient plus fournis que d'ordinaire. Elle avait un bouquet piqué à son corsage, elle portait des gants blancs, elle s'était arrêtée juste sous la lanterne et à présent, elle me faisait face, en sorte que je distinguais nettement ses traits. Je la vis sourire. Elle posa la main sur l'épaule de son cavalier. Ils restèrent un moment ainsi à se regarder. Elle souriait toujours. Puis le sourire s'en alla, un peu de rougeur lui vint. Elle baissa la tête. L'autre alors se pencha vers elle. Et un moment encore, ils restèrent ainsi. Le lendemain matin, comme d'habitude, j'étais à 8 heures au bureau. J'allais m'asseoir à mon pupitre, comme d'habitude. Quand Père Driset entra, j'étais déjà en train d'écrire. C'était un garçon qui parlait peu. Il ne regarda même pas de mon côté. Il se contenta d'ouvrir une armoire dans laquelle il serrait sa veste de lustrine et il changea d'habit comme il faisait chaque matin. Je me disais, on ne pourra rien te reprocher, tu n'as même pas été en retard. On avait encore des plumes d'oie en ce temps-là. La mienne grattait le papier. Père Driset était en train de tailler les siennes. Dans la boulangerie qui était située à l'étage au-dessous, on entendait pétrir le pain. C'était un bruit sourd, régulier, qui semblait venir de dedans la terre, et à chaque coup, la maison tremblait. Ainsi du temps se passe, et ce n'est qu'au bout d'un nouveau moment que j'entends du bruit dans la chambre à côté. Monsieur Gonin arrivait à son tour. Il va et vient un peu de temps dans son bureau, puis il passe dans le nôtre, et s'approchant de moi, « Vous avez bien trouvé sur le pupitre les deux actes que j'y ai mis ?»« Oui, monsieur, je suis justement en train de les copier. »« Ça va bien, » me dit-il. « Vous m'apporterez les copies sitôt que vous aurez fini. » Je me remets à écrire. Il y fallait du courage. Des soleils rouges et bleus tournant avec rapidité sur eux-mêmes passaient tout le temps entre mon papier et moi. Il y avait aussi comme des mouches noires qui me dansaient au coin de l'œil. Je levais malgré moi la main pour les chasser. Je ne m'en obstinais pas moins, me raidissant contre moi-même. J'achève mes copies, je les porte à M. Gonin comme il me l'avait demandé. Mais à peine m'étais-je réinstallé à mon pupitre que la porte de communication se rouvre et M. Gonin avance la tête. « Belay, voulez-vous venir ?» Il n'avait plus son ton ordinaire. Je compris tout de suite ce qui m'attendait. Et Père Driset lui-même, malgré les airs de m'ignorer qu'il se donnait, lève les yeux de dessus son grand livre. J'entre, je vois le coffre-fort avec ses serrures. M. Gonin se tenait assis derrière un bureau de bois noir. Il étend la main, il la pose à plat sur mes deux copies. Belay, me dit-il, qu'est-ce qu'il vous prend ? Il parlait d'une voix nette, un peu plus haute et plus sèche que de coutume, du moins à ce qu'il me sembla. Il continuait de tenir sa main posée à plat devant lui. C'était à cette main que mes regards étaient allés d'abord. Une grosse main aux doigts courts, aux ongles blancs, couverte de poils roux. Mais ensuite, toute son épaisse personne me sauta aux yeux, carrée qu'elle était, fortement campée dans un fauteuil à dossier bas que surmontait la tête chauve. Moi, j'avais les pieds froids, la tête brûlante, des élancements accompagnés d'une vive douleur, comme celle d'une épingle qu'on aurait fait rougir au feu, me traversait le front d'une tempe à l'autre. Je dis, « Je ne sais pas, monsieur, je n'ai rien. » Il s'était tourné vers moi et me regardant avec insistance. « Il me semble, Belay, que vous vous dérangez. Vous êtes distrait. Vous ne pensez plus à votre ouvrage. J'ai hésité longtemps à vous en faire l'observation. Il n'y a plus à hésiter. » Il se tut un instant, puis prenant une des copies, « Combien est-ce que ça coûte, une de ces feuilles ?»« Monsieur, c'est des feuilles timbrées à 1,50 $. »« 1,50 $, me dit-il. Il y en a deux. » Ce qui fait 3 francs 10 centimes. Eh bien, c'est 3 francs 10 centimes de perdu. Il y eut un grand silence. Comment écrivez-vous somme ? Reprit-il. J'appelai le mot. Alors ? Et laissant retomber la copie, il se croisa les bras. Serait-ce que vous y mettez de la mauvaise volonté ? Serait-ce que vous faites exprès de ne plus savoir l'orthographe ? Vous voulez voir ? Il me tendait la copie. Vous avez écrit somme avec un M. Je voulus répondre. Et qu'aurais-je répondu ? Je ne sais pas trop, mais je sentais que je devais répondre. Il ne m'en laissa pas le temps. Et capital avec 2 P et intérêt au pluriel sans S. Ce n'est pas tout, il y a l'écriture. C'est une horreur que votre écriture. Des lignes de travers, des lettres qui chevauchent, des ratures, des taches. Belay, je suis fâché de vous le dire, vos copies sont des saletés. Je l'avais écouté patiemment jusque-là. J'étais au bout de ma patience. Ce fut bien un peu sa faute. Je n'y mettais pas de mauvaise volonté. Il m'aurait dit tranquillement, « Belay, vos copies ne valent pas grand-chose, mais peut-être n'êtes-vous pas dans votre assiette aujourd'hui. Alors il n'y aura qu'à les recommencer. » Et j'aurais été tout prêt à lui faire des excuses. Mais son ton me blessa. Il fallait qu'il ne vît rien. Il fallait qu'il ne comprît rien pour me parler de la sorte. Pas la moindre pitié, une voix dure, des yeux méchants. Alors quelque chose cassa en moi qui était comme le centre et la racine de mon être. Je redresse la tête. Tant pis, monsieur Gonin, il faut me prendre comme je suis. L'étonnement qu'il éprouva fit qu'il avait lâché sa feuille. Mais son étonnement ne fut pas si grand que le mien. Je parlais, il me semblait que ce n'était pas moi qui parlais. C'est qu'il y avait à présent un nouvel homme en moi, et j'aurais voulu le faire taire que je n'aurais pas pu. Comment ? Qu'est-ce que vous dites ? « Ce que je dis, c'est que si je ne vous conviens pas, il y a un moyen bien simple de tout arranger. »« Vous osez vous permettre ?»« Mais, m'échauffant de plus en plus, je n'ai pas besoin de vous, vous savez. Vous êtes injuste avec vos reproches. Alors le plus simple, c'est que je m'en aille. Tout de suite, si vous voulez. Tout de suite. Vous me devez une semaine de mes gages, je vous les laisse. Je n'ai pas besoin de votre argent. Vous trouverez sans peine à me remplacer. Quelqu'un qui aura une bonne écriture. » Je lui fais un grand salut. Il ne disait plus rien. Je tourne sur mes talons, je gagne la porte, je prends mon chapeau qui pendait au clou, et ce fut fini. Sur ce qui me restait à faire, je n'hésitais pas davantage. Je revois pourtant la pauvre mademoiselle Grandjean, la seule qui fut à plaindre dans toute cette histoire, et comment elle plissait entre ses vieux doigts son tablier de cuisine, disant « Est-ce que vous ne seriez pas content de moi ?» Elle n'y comprenait rien, bien sûr. Comment aurait-elle pu comprendre ? Moi, je lui disais « Vous savez, il y a des choses. »« Alors c'est vrai, vous me quittez ?» Et ses joues se creusaient encore. J'étais déjà en train de faire mon paquet. Il n'était guère plus gros que quand j'étais venu à Roche. Je pouvais sans peine le porter de nouveau au bout de mon bâton. Je payais à mademoiselle Grandjean ce que je lui devais. Et d'abord, elle ne voulut rien accepter par scrupule. Mais je l'y obligeais. Je posais 2 écus sur la table. Elle n'y toucha point. Il continuait à tortiller son tablier. Puis 2 grosses larmes lui vinrent, tandis que ses lèvres tremblaient. Son bonnet blanc à ruches était tout de travers. Mais on fait souffrir quand on souffre. Je ne pensais même pas à m'excuser auprès d'elle du dérangement que je lui causais. C'était à mon tour d'être dur. Moi qui avais acheté un bon rôti de veau pour midi, il va être perdu !» Ce fut sa dernière phrase. Déjà, je descendais l'escalier. Et encore une fois, il y eut la blanchisseuse dans la boutique, la blanchisseuse avec sa fille rousse, toutes deux penchées sur leur fer, puis la petite rue avec sa barre d'ombre, la place d'armes au bout. Je me rendis directement à Pras-dessus, où j'avais à voir mon oncle. Devant la maison, ses deux fils, qui étaient donc mes cousins germains, étaient en train d'atteler le cheval, un char à échelle. Ils me regardèrent m'approcher, sans se déranger de leur travail, sans même me souhaiter le bonjour. Peut-être bien d'ailleurs qu'ils ne me reconnurent pas. Au même moment, mon oncle parut sur le pas de sa porte. Il y avait 2 ans que je ne l'avais pas revu. « Qu'est-ce que tu veux ? J'aurai 2 mots à vous dire. » Il vit bien lui aussi que le Samuel Belay qui lui parlait était un Samuel Belay qu'il ne connaissait pas encore, et d'abord il fut incertain sur l'attitude qu'il devait prendre. « Quand tu voudras ?» Je lui dis, « J'ai 20 ans, dans 1 mois. Alors je suis venu vous demander des nouvelles de l'argent que j'ai hérité de ma mère. » À un autre moment, il se serait tout de suite fâché, mais ce ton que j'avais, et puis la curiosité qui lui était venue de me voir devant lui, mon paquet sur le dos, « Qu'est-ce qu'il t'arrive ?» me dit-il. Il prenait un air bonhomme. « On disait que tu étudiais pour devenir régent. »« Mais moi, est-ce que ça vous regarde ?» Alors il mit les poings sur ses hanches et renversant le haut du corps, « Tu as du toupet, toi. Est-ce que je suis un voleur, peut-être, pour que tu viennes me parler ainsi ?»« Ton argent est à la banque, tu entends ? Il est à la banque. Tu as un tuteur qui est là pour s'en occuper. » Il criait tant qu'il pouvait. Sa chemise était ouverte. On voyait la peau de son cou qui rougissait de plus en plus. « D'ailleurs, recommençait-il, ce n'est pas ce que tu as qui te mènera loin, fainéant que tu es. Une 100 francs, peut-être. Une misère. » Je lui répondis, « C'est tout ce que je voulais savoir. » Ses deux fils étaient montés sur le char, et l'un d'eux déjà avait pris les rênes, mais ils ne s'en allaient pas. Ils attendaient de voir comment la chose allait tourner. Ils ne me faisaient pas peur. « Dès que je serai majeur, je vous enverrai un mot de billet avec mon adresse, et vous vous arrangerez avec mon tuteur pour me faire parvenir l'argent. Sans quoi ?» Il me demanda, menaçant, « Sans quoi ?» Je lui tournai le dos. « Malhonnête ! » me cria-t-il. Mais je l'avais déjà oublié. Je regardais devant moi un grand arbre qui se dressait là. En haut de cet arbre, une girouette, découpée dans une planche, tournait. Je regardais devant moi la côte où la route grimpait en faisant des lacets. Je me disais, c'est ton chemin, Samuel. Tu n'es qu'un paysan, Samuel, tu resteras paysan. Il te faudra gagner ta vie. Et je m'en allais à grands pas. En sortant du village, comme je passais près du cimetière, le souvenir de ma mère me revint, et j'eus besoin d'aller revoir sa tombe, parce que c'était à présent la seule chose qui me restât. J'ai honte de le dire, j'eus de la peine à la trouver, sa tombe. Elle était entourée d'une mince bordure de buis. Des mauvaises herbes y poussaient que jamais personne n'était venu arracher. La croix, c'était une pauvre croix de bois, penchée toute de côté. Elle commençait déjà à pourrir. Quand je voulus la redresser, elle cassa, à ras de terre. Mais j'avais ôté ma veste, et ayant tiré mon couteau, je me mis à tailler le pied de la croix, enlevant les parties gâtées. Puis je la pointis avec mon couteau. Ensuite, j'arrachai les mauvaises herbes, j'en fis un petit tas. Maintenant que la tombe était nettoyée, elle avait l'air encore plus triste qu'avant. Et, m'étant assis à côté, je sentais cette tristesse gagner de plus en plus en moi. Tous mes souvenirs me revenaient à la fois, depuis les plus anciens jusqu'à ceux de la veille. Maman, Monsieur Loup, mon temps de la maladière, Monsieur Gonin, le bureau, Roche, Mademoiselle Grandjean, et tout cela ensemble fit comme un poids trop lourd, sous quoi je me sentis plié. Je me disais que je n'avais plus personne qui pensât à moi sur la terre, et que maman depuis 5 ans était morte. Je me disais que Mélanie... Et brusquement alors les choses de la veille, mon attente dans le petit bois, le bal, la fête de jeunesse, tout cela aussi me revint. Et cela aussi était du passé. Il ne resta en moi qu'une grande place brûlée, comme celle qu'on voit dans les champs après qu'on a arraché les broussailles, et on les met en tas, et on y met le feu. Il faut ajouter que je n'avais pas dormi de la nuit. Un pinson appelait à la pointe d'un if, et la dame pinson, posée un peu plus loin sur une colonne de marbre, lui répondait par un petit cri. C'était encore le temps des nichés, mais déjà il tirait à sa fin. Le village se montrait un peu au-dessous de moi, avec ses larges toits serrés l'un contre l'autre, et leurs pentes se contrariaient, faisant comme un damier à cases claires et à cases sombres. Un nuage venait au ciel. Il versa une ombre sur la campagne, et cette ombre traînait derrière lui sur la campagne comme un filet à l'arrière d'un bateau. Mais maintenant je ne voyais plus qu'elle. Sournoisement elle était revenue, et elle se tenait debout, devant moi. C'était le pli de ses cheveux, c'était la forme de sa bouche, c'était la couleur de sa robe, qui était une robe bleue, et on aurait dit un morceau de ciel. Et puis c'était aussi son rire, et c'était la façon dont elle levait ses mains derrière sa tête, allant avec ses doigts dans l'épaisseur de son chignon. Alors je me laissais tomber en avant, et j'aurais voulu être comme quand j'étais petit et que je portais encore une culotte fendue, du temps que maman était là, parce qu'une fois j'étais tombée et je m'étais fait une bosse au front. Mais elle m'avait pris contre elle, et tout de suite la douleur avait passé. De nouveau j'étais tombée, seulement il n'y avait plus personne pour me prendre dans ses bras. Et parce qu'elles étaient l'une et l'autre des choses disparues, ces deux ombres maintenant, Mélanie et ma mère, se confondaient devant mes yeux. Elles firent ensemble comme une vapeur qui montait. À mesure que je relevais la tête, cette vapeur s'éloignait davantage. Elle se dissipa bientôt tout à fait. J'eus besoin de me moucher, mais je secouai la tête. « Samuel, me dis-je, Samuel, n'as-tu pas autre chose à faire qu'à te lamenter sur toi-même ? » L'orgueil était venu. J'étais un homme à présent. Et m'étant relevé, et après avoir jeté encore un regard à la tombe nue et à la croix replantée, je me dirigeais vers le haut pays. Je n'ai jamais été régent.